encore. Intro. Yeah. Yeah. You can play V2. Nigga. Bail de fou quand le boss te passe un savon, franchement. Amène un Glock, une faille dans ton armure, la toiture. Posé comme un sniper, j'attends. Posé comme un sniper, j'attends. Couteau, cutter, télescopique. Constate-le, on n'est plus des enfants. Derrière l'écran, on apparaît souvent avec des pinces, une cagoule et des gants. Tristement, on ne renaît que dans le feu. À force de mauvais jeux, paresseux, t'es pas loin d'être poisseux. Même à minuit, 8 du matin, nouveau ou ancien, you can play. On te laisse la victoire, gros, qu'à la play. Pas de manette, arrête, c'est la fête si tu te jettes. Fantassin sous le coussin se trouve le matos. Allez, approche, ose tout dans les poches. Glisse fantastique comme le chiffre 4. Comme un coup de batte, j'arrive en peine. N'ayez pas peur d'approcher, sauf en cas de procès. Skiff. Faut c'est reculer pour mieux viser. Je suis sur le rent et you can play. You can play, incendie criminel en plein sommeil. You can play, coup tête balayette. You can play. Ma vengeance est bien chiffrée, semi-réalité fort. Je suis dans le hood ou dans le blood, entre nos cœurs et nos reproches. C'est la cruauté qui soude. Bandit crève pas d'insomnie à gratter le bitume. Te prends pas pour Hercule quand y'a les keufs qui courent. Cache-toi car la sécurité est le meilleur allié pour subsister. J'arrive en paix, ne tirez pas, j'arrive en paix. Mais méfie-toi, on se promène souvent armé. Tu nous connais, les points ça suffira pas pour ces gens-là. Les trous du cul, donc je pose une vie par rose. Mic ma coup de crosse, qui est le boss? Amène ton équipe, tout ce qui te supporte. On brécard la vie, aussi à deux portes. On parle de s'en sortir, mais le veut-on vraiment? Ils parlent de survie, mais la veulent-ils vraiment? Un fou catalogué appelle l'OPJ, cruel comme un corps sans vie. Dès aujourd'hui, on vit, triste est cette réalité. Triste est cette réalité. Dans mon ghetto, les rames passent. On te souhaite bon départ. Ha ha ha, débarque. Yeah, you can play.